tous, Vitaliho. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Le président burundais Pierre Nkurunziza déplore que des forces de l'ordre de sécurité en mission à l'étranger ne soient pas payées, cela depuis plusieurs mois, mais déclare que la situation doit trouver solution, vous l'entendrez dans ce journal. Et d'un autre côté, le médiateur national Edouard Nouimana promet qu'il pourra rencontrer des politiciens burundais se trouvant en exil et réunis au sein de la plateforme Sénared, mais une condition reste posée, pas ceux qui sont poursuivis par la justice burundaise. Des bidons de carburant et un champ de chanvre ont été retrouvés dimanche au domicile de l'inspecteur de police dans les provinces de Gitega, Mwaro et Muramza. Il a été interrogé hier lundi par l'officier de police et judiciaire à Gitega. Le carburant devient rare et sur pas mal de stations-service, aussi bien à l'intérieur du pays que dans la capitale Bujumbura. Le ministère ayant en charge la gestion du secteur carburant parle de retard d'approvisionnement seulement pour l'essence, aucun problème pour le gasoil. Les activités semblent paralysées sur certains centres de santé du district sanitaire de Kirimba en province de Ngozi. Le médecin chef de district demande qu'il y ait recrutement de nouveaux prestataires de services. Et puis, vous aurez le droit à la chronique santé vers la fin de ce journal. Francine Ndiokoubgaïo nous parlera de l'insuffisance rénale, une maladie qui doit être traitée à temps en vue d'éviter de graves complications. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à cette édition. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le président de la République déplore que les forces de l'ordre et de sécurité qui ont été envoyées en mission à l'étranger ont eu des difficultés liées au non-respect des engagements de certaines organisations internationales comme l'Union européenne et les Nations unies. Déclaration faite lors de l'échange de vœux du nouvel an organisé par les corps de défense, de sécurité ainsi que le service national de renseignement. Le président Pierre Nkurunziza promet que ces organisations vont tôt ou tard débloquer ces fonds. Le point avec Aubin Nyongour. Les biens qui reviennent au Burundi ne peuvent jamais les être dérobés. Le président de la République promet que ces organisations vont finir par débloquer les fonds qu'elles ont promis. Pierre Nkurunziza assure que le gouvernement pourra même les poursuivre en justice. Les Burundais ont un don important. Nous savons défendre nos droits. Nous allons les attaquer en justice et nous aurons gain de cause. Nous aurons même des dédommagements. Nous n'allons pas baisser les bras. Le président Nkurunziza a expliqué que le non-respect des engagements de ces organisations a eu des répercussions sur le traitement des militaires et policiers envoyés en mission de maintien de la paix. Les militaires et policiers envoyés en mission de maintien de la paix ont eu un problème et nous n'en sommes pas responsables. Ils ont été causés par le non-respect des engagements de l'Union européenne, l'Union africaine, qui a été victime de l'ingérence et parfois des Nations unies. Lors de ces cérémonies, chaque ministre dans ce domaine a présenté ses réalisations ainsi que ses défis au cours de l'année écoulée. Les défis communs pour les deux sont le budget insuffisant ainsi que le manque du matériel. Merci Aubin. L'ombudsman burundais se dit prêt à rencontrer les politiciens en exil qui ne sont pas poursuivis par la justice burundaise. Il l'a confié à nos confrères de Bujumbura News en marge de sa visite en Belgique. Edouard Nouimana a indiqué qu'il était avec l'assistant du médiateur pour rencontrer les membres du Sénared, mais qu'ils n'ont pas réussi parce qu'ils venaient de récuser le médiateur. Cependant, il promet qu'il pourra les rencontrer quand ils le souhaiteront pour qu'eux aussi participent dans la recherche de solutions à la crise burundaise. On l'écoute. Nous étions avec l'assistant du facilitateur Mukapa dans le dialogue inter-burundais qui s'appelle Kapia. Nous étions allés ensemble pour qu'il explique aux membres du Sénared, une plateforme que vous connaissez qui n'est pas reconnue par la loi au Burundi, les choses en rapport avec la récente visite du médiateur au Burundi. Moi, j'y étais allé avec lui pour écouter en tant qu'ombudsman burundais leurs préoccupations pour qu'il intègre le processus de paix au Burundi. Je vous dirais que nous n'avons pas pu les rencontrer car ils ne nous ont pas reçus, arguant qu'ils ont récusé le facilitateur Mukapa à cause de ce qu'il a dit au Burundi, en considérant qu'il n'est plus facilitateur dans le conflit burundais. Ils nous ont même dit qu'ils ne peuvent pas me rencontrer comme ombudsman burundais, car ils ont récusé le facilitateur Mukapa. De notre côté, nous avions indiqué à l'assistant du facilitateur que nous avons vu le comité directeur du Senared, mais que nous souhaitions rencontrer ceux qui ne sont pas poursuivis par la justice burundaise. Comme d'ailleurs le médiateur l'avait souligné, que ceux qui ont des dossiers en justice ne sont pas concernés par le dialogue. Nous leur avons indiqué que quand ils seront apaisés par rapport à ce que le médiateur a dit, qu'ils pourront nous le signaler, car nous, en tant qu'ombudsman burundais, nous sommes disposés à écouter tous les Burundais et tous les groupes pour qu'ils se mettent ensemble et pour qu'ils trouvent une solution à la crise qui a éclaté en 2015 pour nous préparer à d'autres activités de renforcement de la démocratie en 2020. Sécurité pour vous dire qu'un certain Léon Sesurguigano, qui enseignait à l'école fondamentale de Roreiro en commune Ebisoro de la province de Mwaro, a été retrouvé mort dans une vallée dans la journée de ce lundi. Cet homme, qui était également fournisseur de matériaux de construction, aurait été étranglé à l'aide d'une corde, selon le commissaire de police à Mwaro, qui s'est rendu sur les lieux. Vers le soir de ce dimanche, le défunt avait été appelé au téléphone par une personne non encore connue et personne n'avait eu écho de lui depuis ce temps. Ces individus ont été arrêtés par la police et pour des raisons d'enquête. 5 bidons de 50 litres chacun contenant du carburant de type gazoil et un champ de chanvre ont été retrouvés dimanche au chef-lieu de la province de Gitega, précisément au domicile de l'inspecteur de police dans les provinces de Mwaro, Gitega et Muramza. Les informations en provenance de la police disent que lundi dans l'après-midi, l'inculpé a été interrogé par l'officier de police et judiciaire pour instruction du dossier. Les précisions d'Arthur Kavaouchi depuis Gitega. Selon les informations en provenance de la police à Gitega, c'est ce dimanche passé que la police est allée fouiller au domicile de l'inspecteur de police dans les provinces de Gitega, Mwaro et Muramvya. Dans cette fouille, la police a saisi 5 bidons de carburant de 50 litres chacun, ainsi qu'un champ de chanvre et 3 tiges de chanvre emballées. Ces informations indiquent que ce carburant a été volé dans la province de Mwaro à l'entreprise de construction des routes SOGEA Satom. Et cet inspecteur de police, quand il a saisi ce carburant volé, pour le rendre à l'entreprise de SOGEA Satom, il a commencé à le vendre dans la commune Rutegama de la province Muramvya. Pour ce qui est du chanvre, il le vendait dans certaines communes de la province Gitega par le biais de certains taxis vélos. L'inculpé, connu sous le nom de PC Henri Guimana et Mévirpien, a comparu ce lundi dans l'après-midi en compagnie de son avocat devant l'officier de police judiciaire pour interrogatoire afin de produire son dossier et l'introduire devant l'officier du ministère public du parquet de Gitega. Sachez que le PC Henri Guimana et Mévirpien est locataire de la prison centrale de Gitega depuis ce dimanche passé. Arthur Kavaouchi depuis Gitega pour la radio Isanganiro. Merci Arthur. Il n'y a pas de carburant sur certaines stations-service de la mairie de Bujumbura où la radio Isanganiro a pu passer ce mardi. Là où il y en a, les clients doivent se ranger sur des files d'attente pendant beaucoup de temps pour avoir de l'essence. Certains de ces clients disent ne pas comprendre cette situation. Ils demandent aux autorités habilitées de régler ce problème pour qu'ils puissent vaquer normalement à leurs activités. Reportage de Didier Nyonzima. Dans certaines stations où nous sommes passés, nous avons trouvé des files d'attente des clients. Certains nous ont dit que cela fait longtemps qu'ils sont à la recherche du carburant, mais sans succès. Comme on ne connaît pas la quantité du carburant qui reste dans le stock, on n'a pas beaucoup d'espoir qu'on va pouvoir avoir du carburant. Car depuis hier, quand je venais de Gitega, j'ai cherché de l'essence dans les stations Kobil et Engen à Kamenge, sans succès. Ainsi, aujourd'hui, je suis venu chercher à Bouyenzi et cela fait des heures d'attente et je ne sais pas si je vais en avoir. Nous sommes sur le fil d'attente. Cela fait à peu près 30 minutes. La ligne est longue. En avançant, peut-être qu'on va avoir de l'essence, mais pas comme ces derniers jours. Quand on va sur les stations, on nous dit tout simplement qu'il n'y a pas de carburant. Celui-ci indique que même s'il faut attendre pendant longtemps, il y a l'espoir d'avoir du carburant. On peut avoir avoir du carburant, même s'il y a beaucoup de véhicules, étant donné que tout se passe en ordre sur le fil d'attente. D'ailleurs, je pense que même ailleurs, les gens sont en train d'avoir du carburant. Nous sommes arrivés vers 8h30 et nous ne savons pas pourquoi il y a cette pénurie de carburant. À côté de là où nous avons trouvé des longs files d'attente, dans certaines stations où nous sommes passés, il n'y avait pas de carburant. C'est notamment la station Petrolem se trouvant en face du marché de la zone Buyenzi, communément appelée Mouvumera, et la station Kobil de la zone Bgiza, où on nous a dit qu'il n'y a pas d'essence. Didier, cela fait déjà 5 jours que 4 stations-service que compte la province de Cibitoke au nord-ouest du pays sont sans carburant. Les commerçants disent qu'il n'y en a plus chez les fournisseurs. Ceux qui en ont sur le marché noir le vendent déjà entre 3 500 et 4 000 francs burundais le litre. Et de l'autre côté, les transporteurs ont revu à la hausse le prix du ticket, ce qui provoque de la colère chez les passagers qui demandent l'intervention des autorités habilitées. Le commissaire de police à Cibitoke met en garde contre l'espoir. Il promet des sanctions contre eux. Et il s'observe également une pénurie d'essence. Depuis ce lundi, à Rumonge, c'est au sud du pays. Aucune des 7 stations-service que compte la province ne distribue l'or noir. Même les stocks sur le marché noir sont vides. Les activités semblent paralysées. Et au sein du ministère de l'Énergie et des Mines, ayant en charge la gestion du carburant, l'on indique qu'il n'y a aucun problème pour le gasoil et pas de pénurie non plus pour l'essence, comme pourraient le penser certains. Il s'agit plutôt d'un retard d'approvisionnement. Daniel Mitawakana, le directeur du carburant, déclare que l'or noir est bien disponible. Il appelle les consommateurs à ne pas se focaliser seulement sur certaines stations-service. Suivez-le au téléphone de Placide Niomungere. Nous avons souvent expliqué qu'il ne s'agit pas de pénurie, mais plutôt d'un retard d'approvisionnement. Et je pense que c'est la situation. Il faut noter que c'est uniquement pour l'essence, parce que le mazout ou le pétrole ne pose pas de problème jusqu'ici. Ça ne veut pas dire que le carburant n'est pas disponible dans le pays. Je peux vous donner des exemples, même ici à Mayen de Bujumbura. Si vous allez à la station Indenkina, Amar, Bujumbura, Top One, station Kimitar, Tomogas Nyakariga, station Delta Mosos, station Kigobi City Oil, pour nos cités que celle-là, il y a bel et bien du carburant, il y a du mazout, il y a de l'essence. Le problème, c'est que parfois les gens s'attroupent autour d'une station, alors qu'il y en a, qu'il y a des produits dans d'autres stations et qui ne sont même pas fréquentés. Vous semblez citer les stations de la capitale alors qu'on apprend qu'à l'intérieur, on rapporte également la même pénurie de cet or noir. Est-ce que ça serait le même problème? Ben oui, je l'ai dit. J'ai dit qu'il y a certaines sociétés qui n'ont pas pu s'approvisionner à temps et alors s'ils n'ont pas pu s'approvisionner, les stations de l'intérieur du pays connaissent effectivement un problème parce qu'ils doivent normalement s'approvisionner à partir des stocks de Bujumbura. Alors s'il y a des stocks qui n'ont pas été approvisionnés, je comprends que par moment il peut y avoir une ou autre station qui ne soit pas approvisionnée, mais nous sommes en train de tout faire. Vous parliez du retard d'approvisionnement. Quelle est la cause de ce retard? Je dois avouer qu'il n'y a pas de cause générale de ce fait, juste que l'un ou l'autre ne s'est pas approvisionné à temps pour des raisons diverses. Il n'y a pas de raison générale de pouvoir avancer. Parce que, je l'ai dit, il y a des sociétés qui se sont approvisionnées, des produits sont disponibles dans le pays. Donc, c'est pour tranquilliser la population. Il faut qu'ils sachent seulement où trouver ce produit. Parce que dans diverses stations de la capitale, je vous ai indiqué qu'il y en a. La radio de l'avenir. L'attribution des plaques d'immatriculation pour les taxis vélos continue dans la capitale Bujumbura. Certains de ces transporteurs n'ont pas encore acheté ces plaques par manque d'argent. Et un délai de 15 jours leur a été accordé pour s'en procurer. Seulement, certains de ces conducteurs de vélos ne reçoivent pas de reçu malgré le paiement des 8 000 francs burundais par plaque. Les précisions de Mireille Kanyang. La vente de ces plaques d'immatriculation pour les vélos s'effectue dans un seul endroit en mairie de Bujumbura, comme nous l'avons constaté dans l'avant-midi de ce mardi. Ces conducteurs de taxi-vélo présentent une somme de 8 000 francs burundais pour l'achat de cette plaque sur laquelle est gravé l'emblème de la mairie de Bujumbura et le numéro inscrit sur le gilet de tout conducteur de taxi-vélo. Ils présentent également un bout de papier sur lequel est mentionné le nom du taxi-vélo et une somme déjà payée de 1 000 francs ainsi qu'une carte de membre de la solidarité des taxis vélos du Burundi, ce Tavebu. À partir d'une petite fenêtre, ils reçoivent des agents de la Sotavebou une plaque sans reçu attestant le paiement de cette somme d'argent. Tout près de cette fenêtre, de jeunes gens mettent les plaques sur ces vélos, moyennant paiement de 1000 francs par vélo. Certains des conducteurs de ces vélos nous ont expliqué qu'ils n'ont pas encore acheté ces plaques par manque de moyens. La date limite pour l'achat de ces plaques d'immatriculation pour les taxis-vélos était fixée à ce 20 décembre, mais en délai de 15 jours leur a été accordé pour se procurer de ces plaques. Vous saurez que les conducteurs de taxi-vélo se comptent à 10 000 en mairie de Bujumbura, alors qu'ils se comptent à 25 000 au niveau national. Merci Mireille. Le médecin chef de district sanitaire de Kilemba, c'est dans la province d'Ngozi, au nord du Burundi, demande l'affectation d'autres prestataires de services. L'annonce est faite après une paralysie presque des activités sur certains centres de santé. Une paralysie qui est causée par le manque d'infirmiers qui, des fois, tombent malades suite au surménage. Apollinaire Muzagara nous en dit plus. Le district sanitaire de Kilemba englobe trois communes, à savoir Kilemba, Tangara et Marangara, sur les 9 que compte la province Ngozi au district et Kabi. Pourtant, pas presque la moitié de la population totale de cette province, soit de plus de 300 000 habitants. Le médecin indique donc que le district sanitaire accuse un manque criant de prestataires de soins, d'où la nécessité de nouvelles affectations, notamment les infirmes. Sur bon nombre de centres de santé, ils sont affectés trois prestataires de soins. En cas de flambée de paludisme ou lors de périodes spéciales comme la période santé mère-enfant, deux de ces trois infirmiers tombent souvent malades à cause du sous-ménage. Les activités sont alors paralysées durant quelques jours, d'où la nécessité de nouveaux éléments dans son district, explique-t-il. Pour répondre aux normes du ministère, Dr Jean Bosco Nionzima annonce que son district est dans le besoin de 87 infirmiers. Difficile, selon lui, de les avoir tous, mais il souhaite que quelques unités pour compléter le peu de personnel existent. Cela a été dit ce lundi lors d'une réunion d'évaluation des réalisations et de planification pour l'an 2017 en matière de santé en province Ngozi. Lors de cette réunion, le constat était que le manque de moyens financiers et l'insuffisance du personnel soignant en quantité et en qualité sont les deux handicaps à l'exécution de toutes les activités prévues de Ngozi. Apone Muzagara, Radio Sangani. Radio Isanganiro Chronique. Dans la chronique santé d'aujourd'hui, nous revenons sur l'insuffisance rénale, une maladie qui doit être traitée à temps pour éviter de graves complications selon le néphrologue Sylvain Pierre Nzeiman. Les diabétiques et les hypertendus sont des plus exposés à l'insuffisance rénale. Francine Niokoubgaye pour un peu plus de détails. On vous a parlé mardi de la semaine dernière de l'insuffisance rénale, une maladie qui survient lorsque la reine ne filtre plus correctement le sang. Comme le fait savoir le néphrologue Sylvain Pierre Nzeimana, l'insuffisance rénale est de deux sortes, elle est soit aiguë, soit chronique. La déshydratation due à certaines maladies est l'une des principales causes de l'insuffisance rénale. Le néphrologue Nzeimana indique que l'insuffisance rénale peut être source de plusieurs complications. On peut avoir des complications aiguës de l'insuffisance rénale, c'est surtout le coma. Le coma, c'est la surcharge hydrique, donc le fait que l'organisme aura une surcharge, on peut avoir un œdème aigu du poumon et qui peut être fatal. On peut aussi avoir un coma urémique, donc dû à l'accumulation des toxines urémiques dans l'organisme. Comme complication de l'insuffisance rénale chronique, on a l'anémie, parce que les reins, entre autres rôles, via l'érythropoïétine, qui est une hormone produite par les reins, participent dans la formation des globules rouges, donc on aura une anémie. On peut avoir une hypertension artérielle, parce que les reins dans l'organisme aident aussi au contrôle de la pression artérielle. Donc on peut avoir plusieurs complications, mais les plus graves, disons, sont relatives à l'insuffisance rénale aiguë, parce qu'elles sont fatales. Sinon, pour l'insuffisance rénale chronique, nous aurons une anémie, nous aurons une hypertension artérielle, qui, disons, peuvent être gérées par un traitement médical. L'insuffisance rénale chronique se trouve être la plus difficile à traiter, selon toujours le spécialiste. Pour l'insuffisance rénale aiguë, le traitement est, disons, plus ou moins satisfaisant parce que si le patient est pris en charge tôt, on peut sauver le patient. Parfois, ça nécessite qu'il en recourt à la dialyse, mais ce ne sera qu'une dialyse temporaire et qui va aider le patient à passer le cap aigu. Tandis que pour l'insuffisance rénale chronique, le traitement est plutôt décevant parce que c'est un traitement qui, lorsqu'il est débuté, le traitement donc chronique terminal, c'est un traitement à vie. Donc ce sera la dialyse à vie et c'est souvent mal toléré par les patients. patients pour des raisons multiples et variées. Hein. Les personnes hypertendues et diabétiques sont des plus touchées par l'insuffisance rénale et doivent par là être suivies régulièrement par leur médecin. C'est d'abord la prévention et la prise en charge de la maladie qui cause l'insuffisance rénale chronique. C'est surtout le diabète, l'hypertension et la prévention et de la maladie. Et lorsqu'on est déjà atteint, c'est la prévention des complications. Et ça, il faut être suivi par un médecin. Quand on a une hypertension, quand on a un diabète, il faut être suivi par un médecin pour éviter la progression d'une maladie rénale chronique s'il y en a, ou bien pour éviter l'apparition d'une maladie rénale chronique s'il n'y en a pas. Pour la prévention de l'insuffisance rénale aiguë, c'est plutôt compliqué parce qu'on peut avoir un paludisme à n'importe quel moment, mais il y a des règles générales. C'est lorsqu'on ne se sent pas bien, il faut aller à l'hôpital. Et si l'insuffisance rénale est découverte tôt, il y a moyen de traiter sans beaucoup de casse. Quoi qu'il en soit, chacun doit se préoccuper de l'état de ses reins, car selon toujours le néphrologue Sylvain Pierre Ndeimana, si la maladie se révèle tardivement, le patient peut subir des traitements lourds et chers en même temps. Francine Diokugayo. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à François Akimana pour la parfaite collaboration technique. Excellente soirée à tous. Au revoir.